Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai un des animateurs de cette émission encore cette semaine. L'autre, la personne habituelle qui m'accompagne à toutes les semaines, ou presque, mon ami, collègue Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Oui, tu vois, au début, mais avant, tu sais, je m'intéressais tout de suite à, je m'impliquais tout de suite dans ce que tu disais. Là, je te laisse aller pour voir comment tu vas me présenter. Oh ouais, je te présente toujours comme ami, collègue, grand voyageur, peu importe. C'est toutes des choses qui sont vraies. La journée, je dirais une fausseté ou quelque chose de bizarre, mais là, tu pourras réagir. Ben là, si tu commences à t'arrêter toutes les fois que tu dis quelque chose de bizarre, on parlera pas longtemps, là. Ouais, ça va faire des shows très longs. C'est ça. Donc, Marc, bonjour. Tu reviens d'un voyage. On va parler un peu de ça dans notre troisième bloc. Tu as été essayer le GMC Acadia. On va parler de ça. On va aussi jaser de ton essai long terme du Mazda CX-3 que tu as eu pendant plusieurs mois. Et moi, je vais vous parler de la Chevrolet Camaro 1LT 2016 que je conduis cette semaine. Je la retourne lundi et ça va faire place à un Hyundai Veloster. Et puis, on va terminer ça avec des nouvelles, comme à l'habitude. Là, on va commencer par un petit quelque chose. Marc, on a beaucoup entendu parler dernièrement du groupe de Nissan Leaf qui s'était créé. C'était Bruno Marcoux, qui est un propriétaire de Leaf, qui a parti un groupe pour essayer de faire un achat groupé, ce qu'on appelle communément des group buy. C'est très, très populaire là, dans à peu près toutes les sphères. Il y a des compagnies qui font ça comme c'est vraiment leur mode d'affaires, comme Groupon ou des choses comme ça, qui vont offrir des forfaits. Puis il y a tant de forfaits disponibles maximum, mais c'est comme des achats de groupe. Et puis ça en prend un minimum pour que le forfait soit comme accepté. Puis quand on dépasse le minimum, bien, on est capable d'avoir un prix inférieur au prix régulier. Des fois, il y a des attrapes dans ces espèces de choses-là, mais pour le groupe de Bruno Marcoux, c'était quelque chose qui était légitime. Il essayait de faire quelque chose de très bien. Et puis, on a appris que Nissan a simplement tassé du revers de la main ce groupe d'achat-là. Mais faut pas. Moi, Faut pas je suis obligé ouais. de t'interrompre, là. Vas-y. Je m'excuse. Je suis pas d'accord avec le fait que Nissan a tassé du revers de la main le groupe d'achat. Ben, c'est une manière de dire qu'ils ont refusé d'embarquer là-dedans. Je veux pas dire qu'ils Ben, ont ils ont été. T'sais. refusé parce qu'ils n'avaient jamais été impliqués. Tu Non, c'est sais, tu ça. parlais de Groupon, tu parles de Twango, ces affaires-là. À la base, la compagnie Twango ou Groupon va voir un promoteur quelconque, lui dit, écoute, on te propose d'offrir ton produit à un groupe. Et là, il y a une entente ferme, il y a un prix ferme et les gens intéressés procèdent à l'achat de cette façon-là. Dans le cas de Bruno Marcoux, et je ne veux pas mettre en doute comment je pourrais dire, la bonne volonté du monsieur, c'est quand même particulier qu'il ait décidé de partir un groupe sans consulter personne. Il en a discuté avec un concessionnaire, alors qu'on sait pertinemment qu'il est hors de question que les concessionnaires aient le pouvoir d'achat pour réaliser ce genre de projet-là. Oh oui, c'est clair. Okay? Il n'a jamais parlé à Nissan Canada et il espérait avoir à peu près 20 % de rabais sur le prix de la voiture en plus de l'offre gouvernementale. Je ne sais Ouais. pas si tu le sais, je ne connais pas un manufacturier qui fait 20 % sur ses voitures. Ça Non. n'existe pas. Non. Okay? Puis. Fait que dès le départ, le gars ne connaît pas l'industrie automobile. Ça, c'est le premier mandat. Deuxième mandat, il a parlé d'un projet groupé. Mais il n'a pas qualifié ses acheteurs. Ça, ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui pouvait signer l'espèce de pétition que Bruno Marcoux a lancée pour dire, je suis intéressé à acheter une Nissan Leaf, je n'ai pas besoin de donner aucun dépôt, je n'ai pas besoin de faire évaluer mon crédit parce que c'est plate, mais je vais être obligé d'emprunter dans la plupart des cas pour acheter la voiture. Et là, il n'y a personne qui a fait évaluer son crédit. Donc, on n'a aucun acheteur qualifié Ouais. et on va dire à Nissan, écoute, on va vendre 3 700 voitures. Non. Ouais. C'est juste non. Ouais. Le projet à la base a été pris à l'envers. Il aurait fallu en parler à Nissan en premier avant de commencer à s'énerver. Puis Nissan aurait probablement dit non en partant parce que Nissan et tous les autres constructeurs là, sont un peu pris dans le modèle du concessionnaire. Je sais que. Pour certains constructeurs, ils aimeraient peut-être mieux pas être pris dans le carcan des concessionnaires, parce qu'un concessionnaire, c'est et une bénédiction et des fois le contraire. Mais bon, Il y a Tesla qui vend des voitures directement aux gens. Les autres constructeurs ne le font pas. Donc, en partant, Nissan aurait probablement dit non et ça aurait terminé là. Fait qu'il a quand même parti le groupe avant de parler à Nissan. Personnellement, j'étais sur le groupe. J'ai mis mon nom sur la liste. Tout simplement parce que je me suis dit, ben, tout d'un coup que ça marcherait. Comme j'ai déjà parlé, moi j'ai une Leaf 2013. J'adore ma Leaf. C'est vraiment une voiture magnifique. Un coup, si ça rentre dans tes besoins, là, pour toi, Marc, ça ne marcherait pas. Pour moi, c'est vraiment la voiture parfaite. Ben, tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup ma Leaf, mais c'est une Leaf américaine. Comme j'ai déjà dit sur une des émissions, ben, je ne peux pas me servir du démarrage à distance, du chauffage ou de la climatisation parce que le système qui s'appelait CarWings, qui est maintenant Nissan Connect, marche plus au Canada pour les voitures américaines parce que Nissan s'est décidé dans sa grande intelligence de changer le système au complet, puis ça a tout arrêté de marcher. Mais d'un autre côté, c'est-tu leur problème si j'ai acheté une voiture américaine que je reste au Canada? Non. Donc, c'est la première chose. T'sais. Mais tu le dis toi-même, tu as mis ton nom sur la liste ouais. En disant peut-être que je vais le faire. Alors toi, qui es déjà un gars convaincu, qui est prêt à peut-être changer de voiture, tu es encore même toi dans le peut-être. En fonction de ce qui peut-être était pour arriver avec Nissan. Alors, tu sais, moi, je trouve qu'on a essayé de mettre un couteau sous la gorge de Nissan Canada en disant, écoutez, voici, on a 3700 personnes intéressées. Et là, tout le monde crie au scandale parce que, mon Dieu, Nissan a laissé passer une belle opportunité. L'autre affaire, c'est que je suis même pas sûr qu'il aurait été capable de livrer 3700 livres. Probablement pas. Ils peuvent en produire combien? C'est la question qu'on sait pas. Combien ils peuvent en produire dans une année, mettons, de livres? Parce que l'usine qui fait la livre ne fait pas uniquement la livre. Elle fait d'autres choses aussi. Fait que tu pars avec 3700 livres, tu retardes le reste. Si ton usine produit 2-3 voitures. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Et c'est, tu sais, je lisais la réponse de Bruno Marco. Puis je comprends qu'il soit frustré, là. Tu sais, je veux dire, je peux concevoir que le monsieur en question a travaillé fort pour essayer de faire quelque chose et faire bouger les choses. Et il espérait des résultats qui étaient tout autres. Mais on va arrêter de dire, oui, mais l'usine de Nissan ne fonctionne qu'à 20% de sa capacité. Elle fonctionne à 20% de sa capacité pour la Leaf, parce qu'ils font la Sentra et l'Altima aussi. Ben, c'est ça, elle fait d'autres voitures. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout voir à travers de la lentille unique de la voiture électrique. On n'est pas rendu là encore. Non. Puis tu sais, je ne pense pas, mais M. Marcoux a vraiment pris le problème à l'envers. Il a regardé par le mauvais côté de la lentille en faisant ça. Il aurait dû d'abord aller s'asseoir avec les gens de Nissan, proposer un véritable, sans avoir un prix réel, au moins être capable de dire, ben, écoutez, si j'ai 1000 personnes intéressées, des acheteurs qualifiés, il faut le répéter, est-ce que vous êtes prête à me consentir un rabais quelconque? Tu sais, l'AVEC a fait ça. Oui. L'AVEC est allé voir Nissan et ils ont obtenu 500$ de rabais. C'est ça. Si vous êtes membre de l'AVEC, vous allez voir un concessionnaire Nissan avec votre carte de l'AVEC, puis c'est 500$ de moins sur la voiture. Exactement. Ouais. Et ça s'est fait de façon très correcte et très... Dans les règles de l'art, mettons. Oui, exactement. On s'est assis, on a négocié, puis il en est venu quelque chose. Pas voici le projet et laisser Nissan réagir à ça par après. Ce qu'il faut aussi considérer, par contre, ce que j'ai pas aimé de Nissan dans tout ce dossier-là, c'est la façon dont ils ont répondu aux acheteurs. Ouais, ça a été un peu sec et cavalier. Ça aurait pu être un petit peu plus courtois, parce que t'as quand même 3700 personnes qui ont été intéressées par une voiture que Nissan fait. Mais et surtout que ça s'est fait essentiellement, la première réponse, elle est venue du président Johnny Paiva en commission parlementaire sur la loi zéro émission. Ouais. Au moment où le ministre de l'Environnement et du Développement durable, parce que maintenant le ministère s'appelle de même, a posé la question directement et il a répondu, il a lu le même communiqué qui, après ça, a été rendu public. Ouais. J'avoue que je trouve ça effectivement pas très sympathique de la part de Nissan. Comme je te dis, là, je ne leur en veux pas de ne pas avoir donné de rabais. Je pense que c'était prévisible. Oh oui. Là, on essaie de refaire le même groupe. D'ailleurs, Bruno Marcoux essaie de repartir un autre groupe sur un autre site pour aller chercher d'autres voitures électriques. Mais encore une fois, il passe à l'envers. Il ne parle pas aux manufacturiers. Il parle aux concessionnaires. Donc, le concessionnaire, lui, va dire, ben oui, écoute, si je peux vendre 3000 chars, moi le faire, c'est sûr. Sauf que le concessionnaire, lui, ne se rend pas plus chez le manufacturier pour avoir la certification. Alors, c'est là que ça devient problématique. Bon, bref, ceci étant dit, Nissan aurait définitivement dû faire un effort de diplomatie puis contacter les gens. Je trouve que c'est effectivement cavalier, tu as trouvé le bon mot. D'autant plus que ces gens-là vont... Écoute, je ne te dis pas qu'il y en a 80 % là, mais mettons qu'il y en a 10 % qui sont effectivement des acheteurs de voitures électriques potentielles. Je suis pas convaincu que ça va leur donner l'envie d'aller voir Nissan pour s'acheter une Leaf. Non, mais tu sais, l'avantage... Puis là, j'y vais pleinement là, de mon côté à moi, sans penser aux répercussions de Nissan qui dit oui ou à ce que ça peut causer si Nissan dit oui, parce qu'on s'entend que si Nissan dit oui, ben ça rentre dans... On le vend direct, on le vend par les concessionnaires. Faut-tu envoyer les gens chez les concessionnaires? Faut faire les livraisons. On fait les livraisons où? Les concessionnaires, ils font pas d'argent sur l'auto, voudront pas faire les livraisons. T'sais. Donc, on rentre dans une canne de verre assez importante. Mais de mon côté... Si Nissan disait oui, puis le prix était intéressant, je changeais ma 2013 pour une 2016 ou une 2017. Donc, Nissan faisait une vente là, puis m'avait tout de suite. Là, il m'ouvre la porte à « Ah, ben la Bolt arrive au printemps. » Attendre pour une autre voiture. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller vers une Soul, vont aller vers d'autres choses. T'sais. Ouais, mais on verra le mot « beaucoup ». C'est comme je te dis, Bruno Marcoux disait que 80 % de ses signataires étaient intéressés pour étaient des vrais acheteurs. J'ai un petit doute là-dessus, là, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il se vendrait 3000 voitures électriques cette année au Québec, ce qui est vraisemblablement pas le cas puis qui n'a jamais été le cas. Fait que tu sais, à un moment donné, il ne faut pas non plus pousser, là. Je pense qu'on exagère. L'autre affaire, et là, tu as soulevé un point aussi, c'est que toi, ils te vendent une Leaf, c'est le fun, là. Mais là, ils se retrouvent avec une Leaf d'occasion. Oui, c'est clair. Alors, je pense que c'est pas mieux. Il y en a combien là-dedans qui sont déjà des acheteurs de voitures électriques et qui auraient juste comme upgradé, si tu veux, leur Leaf. Alors, je pense que c'est un dossier qui est parti d'une excellente intention. Puis je pense que l'idée était bonne, mais qui a été malmenée depuis le départ. Et si on avait recommencé cette opération-là, il faudrait le faire autrement en contactant directement le manufacturier. Mais ça, évidemment, c'est ma perception à moi. OK, c'est bon. Fait qu'on verra ce que ça donnera dans le futur. Donc, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Toi, ton essai long terme du CX-3 de Mazda, puis moi, la Chevrolet Camaro 1LT 2016. Avec plaisir, mon cher. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la mois de la semaine, toi, du 6 mois dernier. De l'été. Tu avais un Mazda CX-3 2016 à long terme. Comment s'est passé ton été dans ce, j'avoue, beau petit véhicule de Mazda. J'aime bien le CX-3. Je l'ai essayé quelques fois en version différente. Puis je trouve que c'est un véhicule qui est quand même intéressant. Bon, le coffre est minuscule, mais pour le reste, c'est un beau petit véhicule. On vit comment quelques mots avec ce véhicule-là? Ben, tu vois, j'étais comme toi. C'est-à-dire que moi, j'aimais beaucoup. Quand je suis allé la première fois au lancement de la Mazda CX-3, j'ai beaucoup apprécié la dynamique de conduite. C'est le fun à conduire, c'est relativement vif. Petit moteur, on s'entend, le petit moteur 4 cylindres, 146 chevaux, 2 litres. C'est rien là qui va... C'est pas une bombe, c'est pas un char sport, mais ça reste, non, vraiment ça reste correct. Pas. Mais ça reste... Tu payes sur... Il y a un mode sport que tu peux activer qui permet de garder les révolutions moteurs un peu plus élevées. C'est intéressant, c'est agréable, ça te permet de foncer puis de faire les mouvements que tu as à faire. Mm-hmm. Ceci étant dit, j'étais comme toi, je trouvais qu'il y avait un principal handicap qui était l'espace à l'intérieur et je me demandais vraiment comment on pouvait vivre en famille ou en... Disons, avoir cette voiture-là au jour le jour. Ouais. Une autre chose aussi, c'était le manque d'accoudoir central qui me tapait un petit peu ses nerfs, mais c'était supposé être une option qui arriverait au courant de l'année. Je ne sais pas si c'est sorti, là, mais... En tout cas, je ne sais pas, moi, j'en ai pas, mais honnêtement, il y a des petits problèmes d'ergonomie, t'en parles, l'accoudoir central, la façon dont les porte-gobelets sont placés. Ma femme est une maniaque des bouteilles d'eau. Elle a toujours une bouteille d'eau, bouteille recyclable, faut-il le dire. Mais donc, pour elle, les porte-gobelets, c'est extrêmement important. Pour moi, ça l'est moins. Sauf qu'on est toujours accroché dans ce qu'il y a dans le porte-gobelet. Et ça, c'est un peu dérangeant. Tu l'as mentionné, Luc, c'est exactement le genre de choses qui nous dérange. Mais par contre, je te dirais que c'est des petits irritants qui vont avec le CX-3 qui sont vraiment pas si gros que ça. Le premier dont tout le monde a parlé, c'est le manque d'espace dans la valise. Ben, honnêtement, je suis obligé de te dire que j'ai pas souffert de ça vraiment. OK, tu vas me dire que j'ai plus d'enfants en âge d'aller jouer au hockey, puis je suis pas obligé de transporter des grosses poches de hockey quand vient le temps de se promener, mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que, écoute, je vais faire l'épicerie, je m'en sers régulièrement. Je suis un fan fini, entre autres, des légumes que je vais chercher dans les fermes. Bon, alors, j'ai réussi à très, très bien vivre avec ça. Je m'en suis servi à quelques reprises en protégeant l'intérieur pour aller chercher, par exemple, mes fleurs de parterre ou ces choses-là parce que je l'ai eu, comme tu l'as mentionné, pour plusieurs semaines et ça m'a permis vraiment de le mettre à toutes les sauces. Et honnêtement, je n'ai jamais eu de problème. Je suis parti en week-end avec mon épouse, je suis parti avec mon fils et ma femme. On avait notre stock à l'intérieur et ça n'a pas été un gros problème. Il est vrai que l'espace arrière n'est pas si grand non plus. Mon fiston, qui fait maintenant un peu plus de 6 pieds 2, trouvait qu'il y avait un peu les jambes à l'étroit. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien déroulé. Faut aussi savoir que le CX-3, ce qui le démarque, ben, c'est sa silhouette. Hein, je pense qu'il est très beau, tout le monde en a parlé. C'est aussi sa direction. Il est vraiment agréable à conduire et il continue de l'être. Il est de petit format, donc ça nous permet de vraiment faire... de le manipuler un peu comme un go-kart. Et ça, c'est très agréable. Il est évidemment surélevé parce que c'est fait sur la base de la Mazda 2 en l'étirant un peu, donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus haut. On ne ressent pas trop de déséquilibre, ça se fait plutôt bien. Le bémol, c'est vraiment en matière d'ergonomie. Je ne suis pas un fan du système multimédia de Mazda, qui vraiment, il faut tourner la molette, c'est compliqué. Faut chercher les commandes régulièrement. Je t'avoue que même après plusieurs semaines à son volant, des fois, je cherche encore. Ça, c'est le premier bémol. Deuxième bémol, et ça, j'avoue que moi, ça m'a moins concerné, c'est plutôt mon épouse qui est plus grande que moi. C'est des choses qui arrivent. Moi, je me suis repris ça à largeur. Donc, elle est plus grande que moi et elle trouve qu'elle a les assises un peu courtes. Donc, elle, avec ses grandes jambes, ben, elle se sent parfois inconfortable pour des longs trajets, des longues durées. Elle aime moins ça. Évidemment, comme passagère, elle peut se placer plus facilement. Mais quand elle est au volant, c'est plus complexe un peu. Moi, j'ai pas ressenti ça. Et même qu'au contraire, je trouvais que le siège m'enveloppait plutôt bien. Je trouvais ça très agréable. Là où j'ai eu une petite déception, et en fait la déception est assez importante, c'est au niveau de la consommation de carburant. Mazda nous parle de 8,8 en ville et de 7,3 sur autoroute. J'avoue que j'ai un peu de difficulté à faire cette consommation-là. J'ai pas vraiment réussi à faire mieux que 8,5, 8,6 sur autoroute et un peu plus en ville. Donc, ça, c'est un petit peu décevant parce que, compte tenu de la taille du véhicule, je m'attendais vraiment à avoir une consommation plus, disons, plus agréable et moins coûteuse que ça. Dans l'ensemble, écoute, c'est une expérience que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée parce que ça m'a permis, oui, d'apprendre à maîtriser aussi des trucs comme, bon, j'avais la version GT, la version intégrale. Dans la version GT, il y a, par exemple, un affichage tête haute qui, au début, m'agaçait un peu parce que c'est sur une espèce de petite planche de plastique. Or, je me suis rapidement habitué à la chose et maintenant, j'avoue que j'ai trouvé... que j'avais un peu de... Maintenant, ça me manque quand je ne l'ai pas, faut que je l'admette. Pour le reste, la transmission est efficace. Honnêtement, du point de vue mécanique, il y a peu à redire sur ce véhicule-là. Au niveau de la conduite, c'est un petit véhicule agréable. Oui, il y a la limitation d'espace. Oui, il y a la limitation de carburant. Oui, les suspensions sont parfois un petit peu trop sèches, un petit peu trop raides, mais ça, c'est le compromis qu'on doit faire entre une conduite dynamique et entre une conduite un peu plus, je dirais, un peu plus confortable. Mm-hmm. Donc, on vit très bien avec ça. C'est, je pense, en tout cas pour le moment, moi, une expérience que j'ai trouvée très, très agréable. Et après quelques mois, je dois le ramener au cours des prochains jours. J'avoue que je reporte la date de le ramener le plus loin possible parce que je me suis attaché. Mais je dois te dire aussi que compte tenu, parce que l'assise est trop courte, parce qu'elle se sent moins confortable au volant, ma femme a un peu hâte là, que je le retourne, mais ça, évidemment, c'est son choix à elle. Bref, l'essai est concluant. J'ai trouvé ça agréable. Un peu petit, mais on vit très, très bien avec. L'ergonomie est perfectible, mais encore une fois, on s'y fait. Pour le reste, un petit véhicule intéressant. Autre bémol, par contre, il n'est pas donné. Remarque que c'est le cas de tous les petits véhicules de cette taille-là. Ouais. Mais en version GT, 28,995 de base. Évidemment, il y a à l'intérieur, par contre, j'en ai pas parlé, là, mais tous les aspects de sécurité, là, quand bon, ça vibre, quand tu changes de voie, puis des trucs comme ça, mais n'empêche que c'est un petit peu excessif. Ouais. Toi, tu as fait dans l'autre genre, cette semaine, tu t'es promené dans un bain à roulettes. Dans un bain à roulettes, ouais, si tu le dis. Moi, le bain à roulettes, c'était mon ancien PT Cruiser convertible. Ça, j'appelais ça un bain sur pattes, mais c'était vraiment un bain sur pattes. Quiconque s'est assis dans une Camaro... c'est qu'on se retrouve assis tellement bas, la ceinture de caisse est tellement haute qu'on ne voit rien dehors, là. Ouais, c'est un peu, c'est son plus gros défaut à la Camaro, c'est la visibilité extérieure, là, c'est presque nul. Même que je suis allé dans un stationnement souterrain à la Place Bonaventure, me stationner, parce que je suis allé à un événement média au centre-ville au courant de la semaine, puis tu vois pas les murets. C'est un peu déstabilisant là, parce que tu veux vraiment pas le prendre de trop proche, tu veux vraiment pas accrocher, tu vas vraiment tranquillement en essayant de savoir c'est quoi la longueur et la largeur de la voiture, là, vu que c'est pas la tienne, t'es pas nécessairement si habitué que ça. J'ai rien magané, ça a très bien été, mais c'était quand même un petit peu bizarre de pas voir où ce que je m'en allais vraiment. Oui, j'aurais pu descendre les rétroviseurs là, pour voir un peu, là, mais quand t'es dans le stationnement... De commencer à descendre les rétroviseurs, c'est pas vraiment la chose que tu penses faire. Pour le reste, c'est une voiture qui est quand même très bien. Vous le savez, moi, j'étais un fan de Mustang en partant. J'avais jamais conduit la Camaro, c'était ma première expérience. Puis, juste pour m'avoir assis dedans, comme au salon de l'auto, des choses comme ça, j'avais remarqué qu'on voyait vraiment la visibilité extérieure était vraiment presque nulle. C'est pas vraiment sa grande qualité. Pour le reste, l'intérieur est très bien. Même, moi, j'ai la version de base avec un V6, l'option V6. C'est le 4 cylindres qui est le moteur de base. Après ça, il y a le V6 puis il y a le V8 pour les moteurs disponibles. Moi, j'ai l'intérieur avec les sièges en tissu. Puis même les sièges en tissu sont très beaux, sont noirs avec des insertions de gris, là. Donc, c'est un intérieur qui est quand même très joli. Chose un petit peu bizarre, c'est le positionnement de l'écran central. Il est incliné un peu vers le bas, puis ça le rend un peu difficile à utiliser. Il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus droit ou même un petit peu plus incliné vers le haut, mais là, il est incliné vers le bas. Fait qu'à un moment donné, quand on fait des sélections où il y a un reflet de lumière qui rentre dedans, on voit mal l'écran. C'est pas vraiment super. Fait que je l'aurais mis un petit peu plus droit. L'ergonomie générale de la Camaro n'est pas nécessairement édifiante. Là. On s'entend pour dire que ça a été... En tout cas, moi je suis pas convaincu. Mais c'est pas sa grande force. Mais le reste est bien. Je veux dire, sensation de conduite, c'est le fun à conduire. Le moteur V6 est quand même assez puissant, fait que ça répond bien tout ça. Chose intéressante encore à l'intérieur. Les bouches d'air tournent et ça sert en même temps de molette pour ajuster la climatisation, la chaleur ou l'air climatisé. Donc, en tournant la roulette qui est votre bouche d'aération, en tournant le contour, on augmente ou on diminue la vitesse de la climatisation, donc à quelle vitesse le ventilateur tourne pour nous pousser l'air dans la voiture. Et on ajuste aussi la température, la chaleur ou le froid. Fait que c'est comme un 2 dans 1. C'est la première fois que je vois ça dans un véhicule. Je trouvais que c'était brillant, même si un peu bizarre au début. Quand j'ai dit ça à ma conjointe, elle dit « Regarde, j'ai dit tu joues avec ta climatisation avec les roulettes ici. » Elle dit « Ah, moi? » Elle dit « C'est donc bien bizarre, ça. » Oui, mais ça fonctionne bien. Puis c'est quand même... une double utilité. Fait qu'au lieu de rajouter deux boutons de plus, ben on a décidé de les intégrer là-dedans. Puis vu qu'on cherche un peu l'espace pour mettre des boutons dans Camaro, là, c'est quand même un intérieur qui est assez grand, mais côté espace pour mettre des boutons, des choses comme ça, c'est pas la chose où on a plus d'espace. Aussi, on donne toutes les technologies. Donc, j'ai Apple CarPlay, on a Android Auto, on a... Ça, je suis toujours pas capable. Excuse-moi. Ouais, ben, moi, j'utilise Android Auto, ça va quand même bien. La seule chose, c'est que Chevrolet n'a pas vraiment donné d'espace pour déposer ton téléphone. Donc, faut que tu le mettes dans l'accoudoir central où il y a une prise USB. Mais un peu comme, tu sais, le Cadillac XT5, tu as une place pour glisser ton téléphone. Ben, dans Camaro, tu arrives avec ton téléphone puis tu espères qu'il n'y a pas personne assis à côté de toi parce qu'il faut quasiment que tu mettes ton téléphone sur le siège. Ça, on a ça dans le CX-3. Hein. Ouais. Il y a un petit endroit pour glisser ça. Okay. C'est intéressant. Tu veux, fait, c'est un peu quelque chose qu'ils ont oublié d'ajouter. C'est que oui, tu mets plein de connectivité, mais tu mets pas d'espace pour déposer l'appareil qui va utiliser la dite connectivité. Bon, pour le reste, c'est un véhicule qui est quand même intéressant. Bon, espace arrière, faut avancer le siège avant si on veut embarquer des passagers en arrière. Moi, mon fils est tout petit et minuscule même, donc pour lui, c'est correct, là. Mais si vous avez des adultes assis en arrière, c'est peut-être pas parfait. Coffre est assez grand. C'est l'allure de la voiture qui est vraiment intéressante. La Camaro, on la connaît. Là, ça fait depuis 2006 que GM nous montrait des concepts et tout ça. Puis après ça, ben, est arrivé le film Transformers. Hein. Puis je me rappelle de la première fois que j'ai vu la nouvelle Camaro dans le film où elle se transforme dans le tunnel. C'était comme... Juste la scène était assez mythique. Là. C'était assez incroyable. La manière qu'ils ont présenté la voiture, c'était superbe. Et puis, bon, elle a fait un peu, tu sais, elle a été longtemps, on l'a vu longtemps dans Transformers avant que la voiture sorte vraiment. Elle est sortie, ça faisait déjà un bout de temps qu'on la voyait, donc elle a vieilli. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'ancien design a vieilli assez vite. Parce que ça faisait, quand elle est sortie, ça faisait déjà longtemps qu'on la voyait, là. Puis à un moment donné, oui. c'est bon et c'est pas bon pour un constructeur de montrer des concepts trop de bonheur parce que c'est un peu comme, Acura avec sa NSX. Ça fait tellement longtemps qu'on la voit qu'elle va vieillir vite. Les gens vont trouver qu'elle a, qu'elle est vieille. Ou, il me semble que ça fait longtemps qu'on voit cette voiture-là. T'sais. GM se fait une spécialité de ça. Ils nous ont montré la Volt pendant 4 ans avant de se décider à l'amener. T'sais. Exactement. T'sais, donc, elle a vieilli vite. Donc, de la rafraîchir et de la changer pour cette année, ça a été très bien. Hier, j'avais un rendez-vous à l'hôpital avec mon fils, une petite visite rapide. Puis j'ai stationné l'auto. Puis un gars dans le stationnement qui m'a dit « Hey, c'est une quelle année la Camaro? » J'ai dit « Ben, c'est une 2016. » Il dit « Ah, elle est vraiment plus belle que l'ancienne, hein, le devant puis tout. » C'est vraiment l'avant qui a l'air agressif. La manière qu'ils ont fait le capot au-dessus des phares, on dirait qu'elle fronce les sourcils. Ça lui donne un air agressif. Et puis, même en arrière, on a changé un peu les lumières, les feux, la manière qu'ils sont faits. La voiture est vraiment, vraiment jolie. L'intérieur, c'est là que c'est pas sa force, mais on a eu le design d'une certaine ligne de toit. Faut vivre avec ça. Hein. On n'a pas le choix. Ça apporte des compromis ailleurs, dont un toit qui est bas, des seuils, des portes qui sont très, très hautes, des fenêtres qui sont très, très petites. Donc, c'est un peu l'handicap d'avoir une ligne de voiture comme ça. Mais ça reste une bonne voiture. J'ai du plaisir à la conduire cette semaine. Puis consommation d'essence, c'est vraiment bien. J'approche d'être en bas du 9 litres au 100 km. J'ai une c'est version. Quand même excellent, là. Ouais, j'ai une manuelle 6 vitesses. Mais tu sais, j'ai été faire de la ville un petit peu avec. Je suis allé au centre-ville l'autre jour, donc ça fait automatiquement monter ta consommation d'essence. Mais je suis en train de la redescendre. Je pense que je suis à 9.1. Puis si je vais me promener un peu en fin de semaine, on va peut-être descendre à Mirabel avec. Elle va descendre en bas de 9, puis peut-être vers le 8.5. C'est très bien. Juste côté prix, vite, là, la Camaro est entre 28 245 et 43 720. Puis, comme je disais, il y a trois moteurs, 4 cylindres de base, turbo, V6, V8, si vous voulez. C'est une belle voiture, c'est une excellente voiture. Ça compétitionne bien avec la Mustang que j'aime tant. Mais j'avoue que je la regarde dans mon entrée puis je la trouve plus belle que la nouvelle Mustang. Je trouve qu'elle a plus l'air d'un muscle car que la nouvelle Mustang, qu'elle a l'air plus d'une voiture européenne. Donc, c'est ça. C'est exactement le défaut de la Mustang. On a voulu la vendre en Europe, on a voulu la globaliser. Ouais. Et ça donne ce que ça donne. On l'a peut-être un petit peu trop globalisé. Effectivement. Je l'aime quand même, mais je trouve que la Camaro a plus l'air d'un muscle car. Écoute, la Mustang serait montée sur un frame de Ford T, tu l'aimerais pareil. Ben, faut quand même pas capoter. Mais bon. Donc, Marc, on va faire une pause là-dessus, puis on va revenir avec ton voyage. Tu as été essayer le nouveau GMC Acadia. Alors, nous sommes de retour et Marc, tu reviens d'un voyage dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Tu es allé essayer le nouveau GMC Acadia. J'imagine que tu voyais mieux le paysage que tu l'aurais vu dans ma Camaro, par exemple. Oui, bien effectivement. Écoute, c'est quand même une des bonnes nouvelles. oui, il faut préciser que ça a été un voyage extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé, on a atterri à Vancouver et on est parti avec les véhicules de l'aéroport pour se rendre jusqu'à Whistler. D'ailleurs, Luc, je ne sais pas si tu es déjà allé, nos auditeurs, ça devrait apparaître sur votre bucket list. Le chemin qui mène de Vancouver à Whistler, ça s'appelle le Sea to Sky Highway. C'est une route qui a été notamment construite pour les Jeux olympiques. Et honnêtement, c'est une des plus belles routes au Canada. Okay. C'est vraiment une route où la vision est incroyable, le panorama est fabuleux. Tu passes en haut des baies, tu es dans les montagnes. C'est superbe, c'est vraiment très, très beau. Ceci étant dit, ça m'a aussi permis d'aller essayer un véhicule qui vieillissait un peu mal, il faut le dire, ouais. Le GMC Acadia. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'Acadia, là, c'est un gros multisegment dans la série que GM nous a lancé il y a quelques années, au moment où ils reproduisaient le même modèle sur toutes leurs bannières. Ouais. Tu avais Buick, GMC, Chevrolet, puis Saturn qui avaient sensiblement le même modèle. Ouais, Pontiac aussi sûrement, et puis Buick. C'est ça. Mais dans ce cas-là, il y avait 4 versions, ouais, dont la fameuse Saturn Outlook. Mm-hmm. Et bon, alors ça, c'était donc un véhicule qui vieillissait plutôt mal. On a décidé de le refaire au complet et on a vraiment bien réussi, il faut le dire. Bien réussi parce qu'on a refait le design. On est donc rendu avec un véhicule qui est plus intéressant en termes de look, qui est vraiment, qui a l'air plus athlétique, là, qui a l'air un peu moins d'une minivan déguisée. C'est bon. On a vraiment étiré le capot, on a mis des lignes de caractère, si tu veux, dans le capot. On a changé les blocs optiques pour les rendre plus dynamiques. On a modifié un peu aussi les angles latéraux. C'est-à-dire, quand tu regardes les parois latérales, là, elles sont pas droites, elles sont un peu incurvées à certains endroits. Et ça donne vraiment un très, très beau look de l'extérieur. Si tu aimes ce genre de véhicule, faut-il le préciser? Ouais. Parce que ça demeure un gros multisegment limite utilitaire sport. Tu sais, on est un peu là, dans le néant du dans l'espèce de catégorie qu'on ne sait pas où catégoriser. Là. Bon, c'est pour les grosses familles. Là. C'est pas, oui, ben, comme... en fait, oui et non. Hein? Ouais. Parce que maintenant, il est offert en version 5 passagers aussi. Okay. Il était auparavant réservé à 7 passagers, donc tu avais vraiment 3 rangées. La troisième rangée, ben, tu peux facilement la replier pour disposer d'un espace de chargement. Mais on offre maintenant une version de base en 5 passagers. Une version en 5 passagers, devrais-je dire, parce qu'elle n'est pas nécessairement de base. Là. Donc, c'est vraiment un véhicule, en fait, que l'on veut le plus polyvalent possible. De ce point de vue-là, on a assez bien réussi en modernisant tout ça. Bon, comme je l'ai dit, on a changé le style, le design, mais on n'a pas que changé ça. On a changé aussi l'architecture du véhicule et on a allégé tout ça. Écoute, c'est 720 livres de moins qu'on impose au véhicule. Non, ça commence à paraître sur un véhicule de ce grosseur-là. Le moteur travaille, les moteurs travaillent moins, la consommation d'essence s'améliore, son agilité aussi, c'est 700 livres, c'est beaucoup. Là. C'est comme, oui, c'est comme deux lutteurs sumo. Ben, en fait, j'ai une chance, je pensais que tu as posé ça deux fois moins. Ben, quand même. Mais c'est vraiment, comment je pourrais dire, écoute, ça pèse maintenant 3900 livres okay. au lieu de 4600. C'est encore très lourd, là, on s'entend. Mais oui. Ça reste colossal comme perte de poids. Là. Effectivement. Excuse-moi, Luc. Ah, t'es reparti. Il n'y a pas de problème. Non, je m'étais juste mis sur mute. C'est que l'ami de Will s'en allait. OK, c'est bon. Ça fait qu'évidemment, là, les chiens capotaient. Puis là, tu sais, OK. On va attendre, ça ne me donne rien d'essayer d'aller combattre ça. C'est bon. Fait que, voilà. Fait que j'en étais au poids de la voiture. Ouais, on était à 4 minutes, moi, c'est ça. 4 minutes, exactement. Comme... OK, fait que... On était au poids de la voiture. C'est beau, je vais continuer. C'est bon. Évidemment, une baisse de poids comme celle-là, elle n'est pas uniquement à des fins esthétiques. C'est pas comme moi, mettons. elle est vraiment faite pour être à la fois pratique, c'est-à-dire que ça permet au moteur de mieux apprécier la puissance, évidemment. Ça permet aussi une économie de carburant qui est surélevée. Sauf que ça, il faut le vérifier et le valider parce que au moment où on était là-bas, tu auras compris qu'on était dans les montagnes. Oui. Que ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour tester la consommation. J'ai aussi trouvé que probablement, parce que le réservoir est un peu petit, j'avais l'impression qu'on était toujours, que ça baissait à une vitesse faramineuse. Fait que tu étais en train de te rendre ami avec un pompiste de la région de Whistler? Exactement. Écoute, on est parti de Vancouver, on est arrivé à Whistler. Je ne sais pas si quand on est parti, à quel niveau était le réservoir. Mais quand on est arrivé à Whistler, je peux te garantir que je n'aurais pas eu assez de carburant pour revenir. OK. T'sais, alors, c'est vraiment, ça, c'est à vérifier. Ça, c'est la première chose. Ceci étant dit, comme je te dis, la consommation de carburant, là, on va le voir quand on va être chez nous. Sauf que pour le reste, c'est un véhicule qui fait très bien les choses. Est-ce que c'est un véhicule parfait? Est-ce que c'est mon préféré dans la catégorie? Pas nécessairement. Parce que certains véhicules font d'autres choses mieux, mais ce que le Acadia propose, c'est vraiment de bien faire les affaires partout. OK. Par exemple, on a deux moteurs. On a un moteur 4 cylindres 2.5 litres, 193 chevaux, auquel on vient de greffer le start-stop. Là. OK, oui, oui. Le véhicule qui s'éteint. Et bon, lui, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est relativement dynamique. Il est intéressant. Bon. Écoute, ça, encore une fois, je suis obligé de te dire que je vais être obligé d'attendre, de réserver mon jugement là-dessus parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Ouais, okay. En revanche, celui qu'on a essayé beaucoup, c'est le moteur V6 3.6 litres de 310 chevaux. C'est un nouveau moteur. Même si ça ressemble à ce qui était là avant, c'est un nouveau moteur qui a été refait, qui a été allégé, qu'on a rendu plus puissant, auquel on a greffé, entre autres, la gestion active du carburant. Ce que ça veut dire, ça, entre autres, c'est qu'on désactive des cylindres dans certains moments pour pouvoir économiser du carburant. Honnêtement, il s'est avéré beaucoup plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Comme c'est un véhicule assez lourd, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un peu de misère là, à se mouvoir avec vivacité. Pas du tout. Bien sûr, dans les côtes, dans les montagnes, la transmission six vitesses faisait un peu défaut à certains moments, elle tardait un peu à rétrograder, il fallait chercher la puissance un peu, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui s'est très, très, très, très bien débrouillé et qui a été bien agréable. Okay. Là où j'ai été favorablement impressionné, c'est au niveau des suspensions. Bien sûr, dans la version Denali, qui est la version la plus haut de gamme, on est capable d'avoir les fameuses suspensions magnétiques, pneumatiques, adaptatives de GM, qui permettent de garder le véhicule relativement stable. Mais même dans la version on a essayé la version all-terrain, la version tout-terrain, c'est quand même un véhicule qui s'est avéré très stable. Alors, évidemment, toute cette stabilité-là, on la ressent notamment, bien sûr, dans les virages un peu plus dynamiques. Il y en a quelques-uns sur le Sea to Sky Highway. Et ça nous a vraiment permis de voir toute cette... Tu sais, c'est vraiment un comportement neutre. C'est pas un comportement sportif, on s'entend. C'est un gros VUS, donc on s'attend pas à ça. Non. Mais c'est un comportement neutre. Donc, t'as pas là, de roulis puis de tangage qui en finissent plus. T'as pas l'impression d'être dans un gros bateau. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ben, c'est un gros plus. Oh, exactement. On a aussi misé beaucoup, beaucoup, bien évidemment, sur l'espace. Bien sûr, les dimensions réduites. On a quand même réduit la longueur totale du véhicule de quelques centimètres. Ça compromet un peu l'empattement. On l'a diminué de 5 centimètres. Ça paraît à l'intérieur, bien sûr, surtout pour les passagers de troisième rangée, parce que dans la deuxième rangée, c'est très, très spacieux. Ça paraît un peu aussi sur l'espace de chargement. Ça, c'est un peu dommage parce qu'évidemment, c'est le genre de véhicule où on veut avoir beaucoup d'espace de chargement. C'est le genre de véhicule qui nous... C'est ça qu'on veut quand on achète un gros VUS. Ça comprend. Mais écoute, on s'entend pour dire que c'est quand même assez gros, là. Je veux dire, mes valises rentraient sans difficulté, puis tout le stock du caméraman avec qui j'étais aussi, là. Il n'y a pas de problème. Okay. Là où on a joué beaucoup dans le GMC Acadia, c'est sur la sécurité. Sécurité, d'une part, en offrant une transmission intégrale intéressante. Sur la version Denali, sur les autres versions, en général, c'est transmission intégrale traditionnelle avec un différentiel qui permet de transférer là, aux besoins. Ça, c'est une chose. Mais on a, dans la version all-terrain, dans tout-terrain, une transmission avec un double embrayage. Donc, c'est vraiment à l'arrière, il n'y a pas de différentiel. C'est deux embrayages qui permettent de contrôler indépendamment les roues arrière, à gauche et à droite. Non seulement ça fait un travail très intéressant dans des zones un peu plus, je dirais, un peu plus exotiques, quand tu es coincé dans la boîte ou dans quelque chose comme ça, ça va travailler de façon plus dynamique, okay. Mais ça intervient même en conduite dynamique. Parce que là, évidemment, il le ressent et il est capable de mieux contrôler. Donc, si par exemple, tu es dans un virage, ben, il va diminuer le couple sur la roue intérieure et augmenter le couple sur la roue extérieure pour te permettre de mieux la prendre. Bref, c'est vraiment fort bien fait de ce point de vue-là. C'est intéressant et ça va très bien sur le all-terrain. En revanche, pour une raison que j'ignore totalement, la version all-terrain s'est avérée beaucoup plus bruyante en roulement que la version Denali qu'on a essayé pour y aller. Peut-être les pneus qu'ils ont mis dessus? Les pneus étaient exactement les mêmes. Ah ouais? La suspension est peut-être un peu plus rigide sur le all-terrain. C'est ce qui fait la différence notamment. Alors, j'ai l'impression que c'est ça qui occasionnait peut-être plus de sautillement et plus de bruit. Mais écoute, comme je te dis, là, je ne mettrai pas mon bras à couper sur la raison, mais on l'a remarqué tous les deux. Je te parlais de sécurité, il y a des affaires bien sûr, régulateur de vitesse intelligent, l'aide au stationnement, l'aide au maintien dans la voie, là, c'est-à-dire que quand tu t'en vas, la voiture va t'aider à te ramener à la bonne place. On a essayé d'insérer, et ça m'a bien fait rire, un truc qui s'appelle aide au remorquage. Okay. Dans le fond, c'est juste une caméra avec une ligne dans le milieu qui te permet de t'indiquer où tu es et vers où tu t'en vas. Donc, c'est, tu sais, on n'est pas, par exemple, dans les systèmes Ford là, qui t'aident avec un petit bouton que tu es capable de manier la remorque comme ouais. Un certain Luc Desormeaux a fait un article dessus. Le trailer backup assist là, qui est quand même exactement. Assez petit. Okay. On n'est pas là, pas du tout. On est vraiment, c'est strictement une caméra qui nous indique où est la remorque. Et avec une ligne centrale qui s'aligne en fait sur la boule, si tu veux, là, donc okay. qui permet de savoir où on s'en va avec ça. Donc, c'est assez élémentaire, ça ne vaut pas vraiment la peine d'en parler. Évidemment, tu peux appuyer sur le mode caméra et voir aussi où est ta remorque quand tu roules, mais bon, de façon générale, c'est assez limité comme intervention. OK, c'est bon. Par contre, et là, je tiens à en parler parce qu'on est direct dans l'actualité, c'est le système pour aider à trouver des choses sur la banquette arrière. Alors là, ce système-là, en fait, est conçu, comme je le dis, c'est très, très dans l'actualité parce qu'on le sait, il y a eu un triste événement il n'y a pas longtemps où un homme, un père de famille a oublié son enfant derrière et en est décédé. Mm-hmm. Et bon, l'idée n'est pas de jeter de blâme ou de juger personne, mais GM arrive avec le GMC Acadia avec quelque chose d'unique qui n'est pas fait nulle part ailleurs. C'est un très, très simple système. La façon dont ça marche, c'est que quand tu ouvres la portière arrière, moins de 10 minutes avant le départ, quand tu refermes, tu actives le système. Okay. Une fois que tu es rendu à destination, ben à ce moment-là, le système va te rappeler que tu as quelque chose sur la banquette arrière en faisant entendre 5 clochettes et en mettant dans le tableau de bord un message « Avez-vous regardé sur la banquette arrière? » Évidemment, c'est bon pour les enfants, mais c'est bon comme pour nous, dans notre cas, pour la petite valise de mon caméraman qu'on était en train d'oublier. OK. Ah, c'est bon. Oui, effectivement. Et ça fonctionne. Parce que quand tu débarques, tu entends une sonnerie répétée 5 fois, tu ne peux pas faire autrement que de te poser la question. Ouais. Et de te demander, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois le message et tu t'en rends compte. Alors, honnêtement, c'est un système qui apparaît sur le GMC Acadia qui va, à mon avis, se répandre dans tous les véhicules GM. C'est une première au monde et j'espère que ce n'est pas une dernière parce que c'est vraiment intéressant. Ouais. Alors, tout ça étant dit, l'Acadia devient donc un véhicule qui est intéressant, comme je l'ai dit, qui fait bien les choses. Est-ce que c'est le meilleur? Pas nécessairement. Je te dirais que dans la même catégorie, le Mazda CX-9 est peut-être plus dynamique à conduire. Tu sais, il y en a d'autres qui ont d'autres catégories. Bon, le Nissan Pathfinder, c'est d'autres choses. Le Ford Explorer, c'est peut-être plus hors route. Bref, chacun a sa spécialité. Mais ce que l'Acadia réussit fort bien, c'est vraiment à ramener tout ça dans un ensemble qui est homogène, dans un ensemble qui est cohérent et qui fait un véhicule qui est intéressant. Il y a quand même un petit problème. Prix de base, 37 000 $. Ouch. OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça peut aller, si tu mets toutes les options, à au-delà de 70 000. Ça commence à faire cher. Mais c'est souvent le cas dans cette gamme de véhicules-là. C'est que tu as un prix de base qui est bon, quand même élevé parce que c'est quand même un gros véhicule. Mais j'imagine à 70 000 $, c'est le Denali là, avec toutes les options. C'est le Denali avec toutes les options. Ouais, toutes les options. OK, ça, c'est la version la plus équipée. Sauf que il faut savoir que c'est vrai, mais si on reprend l'exemple du CX-9, ben, on se retrouve avec un véhicule qui vaut 54 000 dans la version signature qui est la plus haute gamme. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Denali, c'est Denali. Ça a toujours été un. Dans n'importe quelle version, dans n'importe quel véhicule GMC, quand tu tombes dans le Denali, tu payes pour. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais bon, il y a des gens qui aiment ça. Ça peut devenir un bureau roulant pour certaines personnes. Ça devient plein de choses, ces véhicules-là. C'est comme conduire une Cadillac ou une Mercedes, mais en camion. Fait que c'est ça. Donc, c'est bon, monsieur Marc, on va terminer là-dessus. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec les nouvelles. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure de notre dernier bloc. Comme à l'habitude, c'est le bloc nouvelles. Qu'est-ce que tu as comme nouvelles pour nous cette semaine? Ben, écoute, il y en a pas mal, en fait. Une qui a particulièrement retenu mon attention, que je trouve intéressante, c'est ce qu'on appelle l'American Consumer Satisfaction Index. OK. Ce que c'est, en fait, c'est une association américaine qui fait un sondage, dans ce cas-ci, auprès de 3776 conducteurs, des acheteurs de voitures neuves, il faut le dire, au cours des 3 dernières années, et qui possèdent leur véhicule depuis au moins 6 mois. OK. Alors, tu sais, on s'entend pour dire que c'est pas n'importe quoi, là. On s'arrange pour que vraiment ce soit un peu crédible. Tu l'as roulé un petit peu. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue différents éléments, entre autres, bien sûr, la performance de conduite, la maniabilité, les freinages, tu sais, tout ce qui va avec. On va prendre aussi la fiabilité, par exemple, le look extérieur, la qualité de la peinture et tout ça. La sécurité, bon, bien sûr, ça va tout ce qui est système d'avertissement, mais aussi loin que les ceintures de sécurité, par exemple, et ces affaires-là. Okay. On va parler, bien sûr, de confort. On va parler d'intérieur. Et là, quand je parle d'intérieur, c'est oui, le look de l'habitacle, mais aussi la capacité de chargement, la qualité des matériaux, l'espace pour les passagers, tout ça. Ça fait partie de ça. On va évaluer aussi la technologie. Je pense que ça, c'est assez évident. On va bien sûr parler de garantie, d'économie de carburant, et on va même pousser plus loin, parce que c'est de plus en plus indispensable, c'est la qualité du site web, du concessionnaire et du manufacturier. Oui, ça, c'est parfois pénible. Oui, bien, en fait, c'est particulièrement pire pour les sites de presse, les sites médias, là. Mm-hmm. Je trouve que dans bien des cas, on nous néglige un peu, mais ça, c'était mon commentaire éditorial de la journée. Oui, mais pour avoir construit une voiture pour ma belle-sœur récemment, il y a des sites beaucoup plus simples à utiliser que d'autres. Il y en a quand tu n'es même pas capable d'avoir la puissance moteur, des choses comme ça, ou tu sais, tous les détails de la voiture, c'est la même page, puis il faut que tu fasses comme 3 pages pour avoir des détails. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Non, effectivement. On s'entend pour dire que tu as parfaitement raison. C'est le genre d'affaires qui devrait être standard pour tout le monde, mais bon, voilà. Ouais. Ceci étant dit, il y a quand même des surprises dans ce classement-là. En tout cas, pour moi, une certaine surprise. Le premier rang appartient à Lincoln. Ben oui, c'est un peu surprenant, j'avoue. C'est un peu étonnant, mais en même temps, oui puis non. T'sais, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Il faut dire que Lincoln avait subi pas mal de baisses au cours des dernières années parce que Ford et Lincoln avaient enregistré quelques rappels, mm-hmm. On peut se le dire. Donc, à mon avis, c'est une bonne façon pour Lincoln parce que les rappels sont passés et que les nouveaux véhicules Lincoln, le MKX, entre autres, le MKZ, sont vraiment des véhicules améliorés. Je pense que c'est intéressant. Donc, Lincoln obtient 87 points sur 100, ce qui est intéressant en tenant compte que la moyenne de l'industrie est à 82. Ouais, non, c'est très bien. Mais il faut savoir que la moyenne de l'industrie l'année passée était à 79. Donc, pour Lincoln, c'est une augmentation de 5 %. Okay. Par contre, ce qui vient ensuite m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est Honda qui est au deuxième rang. Pourquoi ça m'intéresse? C'est que tu as entendu comme moi les critères de sélection et on se rend compte que ce ne sont pas que des... Moi, je m'attendais que les véhicules de luxe soient vraiment là à côté numéro un. Or, avec Honda au deuxième rang, évidemment, ça nous donne une autre perspective. Et ça, c'est intéressant. Oui, sauf que la technologie dans les Honda, c'est encore perfectible. C'est amélioré, mais c'est mieux que c'était. Oui, effectivement, mais en revanche, il y a quand même des affaires intéressantes. Pense au Lane Watch, là, le fameux petit système qui fait que tu peux voir dans ton angle mort quand tu clignotes mm-hmm. aussi. Ça, oh, c'est des affaires intéressantes. Ouais. Par la suite, bon, on tombe à BMW. Toyota, qui est à égalité avec BMW au troisième rang. Ça aussi, c'est intéressant. Ils sont seulement 2 points derrière Lincoln, en 85. Okay. GMC, Infiniti, Lexus sont ensuite à l'autre rang, mais ils sont accompagnés par Subaru. Ça aussi, c'est pour moi une surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce que Subaru soit aussi bien positionné dans un contexte comme celui-là. Oui, mais c'est une histoire d'amour, les Subaru. Les propriétaires de Subaru sont souvent encore propriétaires de Subaru pour leur prochaine voiture. C'est des gens qui sont très fidèles à la marque. Donc, j'imagine que ça aide. Il y a un haut niveau de loyauté, effectivement, mais n'empêche que c'est surprenant. Mm-hmm. Par la suite, on y va. On est malheureusement obligé d'arriver à la fin parce qu'il y a toujours, s'il y a un début à un classement, il y a aussi une fin. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Exactement. Ouais. Alors là, vraiment, les perdants, c'est Volkswagen, on s'en doute. Moins 3%, c'est probablement lié directement au Dieselgate, là, au scandale du diesel. On imagine, oui. Et Acura, qui a perdu 8%. Ça, c'est une méchante dégelée. C'est une bonne claque là, pour Acura. C'est vraiment un problème qu'il va falloir tenter de trouver une solution. Ouais, pourtant, Acura et Honda, c'est comme les mêmes motorisations majoritairement. Ça fait que c'est d'autres choses. Oui, mais tu n'as pas les mêmes attentes. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas les mêmes attentes. Tu es dans un véhicule de luxe. Ouais. Donc, tu t'attends à avoir un certain niveau de luxe, un certain niveau de confort. Tu sais, quand tu regardes les résultats par catégorie, par exemple, tu sais, au niveau de la... ce qu'on appelle la performance de conduite, mm-hmm. autant les véhicules de luxe que les véhicules mass market, là, les véhicules pour tout le monde, sont au même niveau à 87. Okay. Même chose au niveau de la fiabilité, 86 dans les deux cas, même chose au niveau de l'extérieur et de la sécurité. Okay? Ça, en général, les deux catégories sont à peu près égales, même totalement égales. Okay. Là où il y a une différence, c'est au niveau du confort, parce que les véhicules de luxe sont considérés comme étant plus confortables. Même chose au niveau de la qualité des intérieurs, même chose au niveau de la technologie, et même chose au niveau des garanties. Ce sont les 4 segments où les véhicules de luxe dominent. Okay. Donc, c'est quand même important là, comme classement parce que ça nous donne une idée que Acura, malheureusement, n'a pas été capable de rencontrer ses promesses. Et ouais. Ça, bien évidemment, on aurait espéré faire beaucoup mieux, mais que veux-tu? Ouais, ça fait partie des plaisirs de la vie. Ben, l'avantage, c'est que quand tu finis très, très bas, c'est plus facile de t'améliorer que si tu finis très, très haut. Effectivement. Et donc, c'est mon, C'est mon ambition dans la vie. Je me dis qu'un jour, je vais m'améliorer. Ouais, et connaissant l'ambition et la fierté des Japonais, ça ne saurait tarder, j'imagine. Non, effectivement. Ouais. Effectivement. Écoute, dans les autres nouvelles qui ponctuent l'industrie cette semaine, une grande nouvelle, la Mazda RX-9 aurait été confirmée. Ouais. Ça, c'est une grosse nouvelle parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est le retour du moteur rotatif. On estime que ça va être une Mazda RX-9 2019, donc qui serait présentée au Salon de Tokyo, là, pas cette année, mais dans 2 ans. Un moteur 1,6 litres turbo, 400 chevaux, c'est ce qu'on estime. 1300 kg de poids total, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. Mais on estime que le prix serait aux alentours de 100 000 $. Là, on parle évidemment d'un véhicule de haut niveau. Okay. On pense que ça va se baser sur le RX Vision qui a été présenté, entre autres, dans les différents salons à Tokyo lors du récent salon. Là. Je pense que c'est pas mal la chose la plus intéressante à retenir de ce véhicule-là. Donc, on parle d'une compétition plus à la NSX qu'à d'autres choses, là. Pas à la NSX, parce que la NSX, c'est quand même plus dispendieuse que ça. Moi, je te dirais qu'on va parler davantage de la Supra, par exemple. Ouais, OK, ouais, la Supra qui devrait revenir, là, c'est une autre c'est voiture ça, la FT1, là, ou ouais. TF1, ou je sais pas trop, OK, ouais, probablement. Hybride, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a des rumeurs d'une version hybride plus que juste à moteur rotatif, parce que, bon, on sait que le moteur rotatif n'est pas tellement efficace, là, ça consomme de l'huile, ça consomme plus d'essence, c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de couple. Donc, on mettrait ça avec une motorisation hybride. Donc, électrifier la chose pour donner un peu plus de oomph aux 0-100 et des choses comme ça. Là. Ça pourrait être intéressant. Mais on verra, comme je te dis, ce que ça va donner dans la réalité. Ouais, ouais. Le problème est toujours le même. Ça fait tellement longtemps qu'on nous le promet. Oui, comme la Supra. Exactement. Ouais, exactement. Okay, c'est bon. Alors, on verra ce que ça va donner de ce point de vue-là. Comme on dit, on va le croire quand on va le voir. Exactement. Dans la série, le genre de course dont je n'ai absolument rien à cirer, il va y avoir l'année prochaine une série de courses de voitures autonomes. Ah, oh, ça va être le fun. Ouais, c'est en première partie de la Formule E. Ouais, Formule E, c'est intéressant, là, mais... Formule E, c'est intéressant? Ben, moi, je trouve pas ça. Je trouve... Écoute, ben... moi, je vais aller passer mes soirées à jouer au bingo à l'âge d'or avant d'aller voir une course de Formule 1. Ben, j'ai regardé des courses l'année passée. Il y avait eu beaucoup d'actions à un moment donné, des accidents et tout ça. Ça avait fait que la course avait été bien intéressante. Là. Moi, je déteste pas, mais des voitures autonomes. Mais là, on parle de voitures autonomes. Alors, ça s'appelle DevBot, qui est la première voiture de course autonome qui a été conçue pour faire la Robo Race. L'idée, c'est qu'on va avoir 10 équipes qui vont partir avec le même matériel de base, donc avec la même voiture de base, mais qui vont devoir développer leur propre intelligence artificielle. OK. Donc, un peu comme la Formule 1 sa première saison, toute la même voiture, même châssis, même moteur, même tout. Puis... C'est ça. Mais dans ce cas-là, c'est de développer l'esprit du pilote. Ouais. Celle qu'on a présentée a déjà fait un petit tour à Silverstone, mais la vidéo qu'on nous montre, on la voit faire à peu près 6 mètres à 8 km/h. Mais on estime que la DevBot devrait être capable de faire des courses complètes jusqu'à 300 km/h de vitesse. Ouais. Une autre affaire que je vais y croire, mais que je vais le voir. Ouais, mais Audi a développé une voiture, une Audi TT, qui est capable de monter une espèce de montagne. À chaque année, là, il y a une espèce de concours. Oui, le Pikes Peak. Le Pikes Peak, la voiture est capable de le faire, puis c'est une voiture autonome. Donc, j'imagine que si la voiture est capable de faire ça, on est capable de faire tourner une voiture en rond ou sur un circuit routier. Et là, je t'invite à aller voir sur ecoloauto.com. Là, j'ai fait une nouvelle là-dessus. Quand vous cliquez sur la nouvelle, il y a la petite vidéo. Vous allez voir qu'on parle vraiment d'une formule. Là. Ouais, ouais. D'un véhicule formule dans lequel on peut insérer un pilote et autrement, personne. Alors ça fait partie des nouvelles. Bref, je suis pas fasciné par la chose, honnêtement. Mais on dit que ça va être la série de soutien pour les nouvelles... Les nouvelles voitures, les courses de Formule E. Ouais. Enfin, un dernier détail, mon cher, si jamais tu as besoin de roues pour ta voiture, sache que tu devrais probablement, si tu as des mauvaises fréquentations, être capable d'en trouver prochainement parce qu'il y a un concessionnaire Chevrolet au Texas qui s'est fait voler au cours de la dernière fin de semaine sur 48 véhicules, les roues et les pneus. On parle de plus de 250 000 $ canadiens de valeur qui ont été volés. Pour des roues qui vont d'un diamètre de 20 à 22 pouces. Ouch! C'est beaucoup de voitures sur des blocs. C'est une mauvaise surprise quand tu reviens au bureau le lundi matin. Effectivement. Alors, c'est un peu particulier, mais donc, on aurait volé pour 250 000 $. Alors, comme je te dis, si tu trouves des roues en spécial, commence par te demander s'ils viennent du Texas. C'est probable. Ouais, ça va sûrement des pneus d'été, hein. Il n'y aura pas de pneus d'hiver en spécial dans cette gang de pneus-là. Probablement pas, mais en tout cas, tu peux peut-être avoir un bon deal si tu connais quelqu'un qui a un grand manteau pour les cacher. Ouais, non, ça me surprendrait. Puis je cherche pas dans ce genre de domaine-là. J'achète ça legit dans un magasin. C'est Donc, mieux. super Marc, donc on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben écoute, comme je l'ai mentionné, ecoloauto.com, vusmag.com, luxurycar.com et autoféminin.com, c'est les sites sur lesquels j'écris. Ils peuvent aussi me rejoindre évidemment via mon Facebook, Marc Bouchard, pas de D. Et pour Twitter, Marc Souligné Bouchard. Ce sont les meilleurs endroits. Ils peuvent aussi me suivre sur Instagram à Bouchard Souligné Marc pour voir les photos des quelques voyages que je fais à l'occasion. Oui, vous pouvez aussi nous rejoindre à l'adresse courriel info@saroulradio.com. Et puis, pour moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @Scalazormo. On a aussi le compte Facebook de Ça Roule Radio qui est Ça Roule Radio. Le compte Twitter aussi qui est Ça Roule Radio sur Twitter. Vous pouvez nous écouter à la radio, Radio H2O. On est sur Sport Radio. On est aussi sur Radio Highway, iTunes et Google Play. Donc, on est un petit peu partout. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le site à saroulradio.com. Et puis, moi, vous pouvez lire mes articles sur le blog automobile de Kijiji qui est frkijijiblog.ca. Puis, vous cliquez sur la section véhicules et vous allez retrouver mes articles là. Ce qui fait que vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous écouter et ou nous lire. Ben ouais, c'est ça. Ou si jamais vous ne voulez pas nous écouter ou nous lire, ben là, vous êtes averti ou pas aller pour être sûr que ça n'arrive pas. Donc, hein, ça aussi, c'est bon des fois. Donc, c'est pas beau, ça. Donc, merci encore, Marc, d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Et puis, je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye, bonne semaine.